Y a-t-il deux, je vais te poser une question. Y a-t-il deux façons pour entrer en contact avec notre Créateur? Voici une porte. Tu as vu cette maison-ci. Tu arrives dehors, que la porte est fermée. Tu as égaré. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une nouvelle porte. Non, tu pas. Si la porte était en maison, tu calais dehors. Tu calais dehors, ça ne résout pas le problème. Tandis que l'unique chose qu'on t'a donnée pour que tu puisses entrer en possession de ce qu'il y a dedans. D'être confortable, c'est une chose là, on l'a égaré. On se comprend. Je reprends la question que j'ai posée. Y a-t-il deux façons que Dieu a demandé qu'on puisse avoir accès à lui? Quelle est l'unique façon? Et c'est justement là qu'on a développé ça. Donc, forcément, on ne peut pas. On a égaré la clé. Et si on a égaré la clé, c'est pas nous qui ne l'étions pas, vrai. Parce qu'on pourrait mettre ça sur notre ceinture. Mais ça n'est pas. Gardez bien sous l'autre doigt. Donc, par suite des négligences, on a égaré la clé, on n'a pas accès à la maison. C'est n'est-ce pas? On n'a pas accès à la maison. Par conséquent, si tu as de la nourriture dans la maison et que tu es Dieu, tu as faim, pourras-tu manger? Mais il y a la nourriture à la maison. Donc, d'accord. Si vous êtes content, il y a la mousse cachée, la mousse, tu pourrais te toucher. Pourras-tu entrer? Le mystique, quand tu es piqué là-bas, tu vas confier. On est d'accord? Si vous aviez soif et que vous êtes dehors, pourrez-vous vous arranger pour prendre l'eau? Oh, vous êtes avec moi? Non. Je vais la dire non. Vous avez dit que non. Comment? Donc, et la moustique, c'est pour la ventilation, pour la chaleur, la moustique, l'eau pour se laver, le frigo avec la nourriture à l'intérieur. Tout est là, le concours à l'intérieur. Mais il faut que vous ayez la clé pour y entrer plus chercher. Ah, d'accord. Jusque-là, le problème n'est pas en deux pour chercher. Le problème maintenant, c'est avoir cette possibilité d'entrer. Mais la clé est garée. Si la clé est garée, vous avez une barrière entre vous et avoir accès. Vous avez un obstacle entre vous. Donc, vous quittez de votre niveau. Pour avoir accès à qui est dedans, vous n'avez pas accès. Il faut qu'on regarde à ce qu'on la plupart des prières. Il faut qu'on regarde à ce que la Bible appelle prière. La prière, selon le Seigneur, qui a cessé. Je ne sais pas son nom. La prière, selon le Seigneur, a un premier principe. La clé pour commencer, c'est la foi. C'est-à-dire la confiance absolue en la personne où on est allé. Dans cette similitude que je viens de prendre tout à l'heure, si vous avez soif, vous êtes debout, vous cherchez vite vos clés parce que vous êtes sûr qu'en entrant, qu'est-ce qui se passera? Vous allez trouver de l'eau parce que de toute façon, si vous entrez, c'est que vous êtes sûr qu'il n'y a pas l'eau là-bas à 100%, vous toquerez chez le voisin. On est d'accord? Vous toquerez chez le voisin pour qu'il vous donne de l'eau, vous étanchez votre soif avant d'entrer. Donc vous voulez entrer à tout prix quand la clé n'entre pas, tu cherches l'autre clé, et vous mourrez de soif aussi parce que tu sais que. Il faut que cette chose s'ouvre pour que je parte là-bas pour prendre de l'eau afin d'étancher la soif. N'est-ce pas? Alors, si la soif n'est pas étanchée, on a deux possibilités. Soit à l'intérieur, il n'y a pas, soit on ne peut même pas à entrer. On est d'accord, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez convenu avec moi qu'il y a un vrai Dieu et c'est celui que nous sommes censés servir. Donc, ça veut dire que tout ce que nous avons comme besoin, normalement, doit se trouver chez lui. Dis à ton voisin, il n'y a pas de sécheresse chez Dieu. S'il n'y a pas de sécheresse chez lui, ça se pose que tout ce dont nous pourrons avoir besoin se trouve chez lui. C'est ça, n'est-ce pas? Dans son magasin. Et alors, qu'est-ce qui nous empêche donc d'avoir accès aux données qui nous concernent là-bas dans son magasin? C'est-à-dire que le problème, c'est au niveau de la prière, n'est-ce pas? Donc, premier principe de la prière, il faut une confiance absolue et aveugle devant la personne que nous venons. Maintenant, comment faire pour avoir confiance en lui? Vous ne pouvez pas avoir confiance absolue et aveugle en lui si vous ne le connaissez pas. Quand il parle de ne pas le connaître, on dit que connaître ses agissements. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Quand vous connaissez quelqu'un, vous venez chez quelqu'un, vous savez que cette personne, c'est à 22h, la personne n'aime pas qu'on tombe dans sa maison. Vous savez déjà comment vous manipuler, vous préparer pour ne pas toquer à sa maison à 22h, donc vous connaissez comment il agit. Quand vous connaissez quelqu'un, vous savez très bien que si cette personne-ci est tellement méticuleuse avec la propriété que s'il finit de manger là, j'ai intérêt à ne pas ranger le plat n'importe où. Mais l'autre personne, tu finis de manger, tu pousses sur la table, tu entends pang, ça ne dérange pas. L'autre personne, tu manges, tu déposes au sol, ça le dérange. Il aimerait quand tu finis, tu manges, tu déposes à la cuisine et tu laves. Donc quand tu connais la personne, tu sais savoir comment gérer. Connaître Dieu, c'est étudier sa parole pour sonder et connaître ses principes. Les principes de Dieu révèlent son caractère. Les principes. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question par rapport à l'ange de Dieu. On parlait de ses principes tout à l'heure, n'est-ce pas? Dieu veut regarder. En même temps, certaines fois, vous allez voir la Rosée commencer à agir là-bas avec Israël comme l'épouse. Comme c'est l'époux. Il se plaint comme un homme marié qui s'est marié, sa femme a été infidèle. C'est comme ça que ça se passe dans la Rosée. Si vous comprenez. Regardez Exode. Il se place là-bas comme un grand Dieu juge qui donne les ordres. Vous remarquez, n'est-ce pas? Regardez le Nouveau Testament maintenant. Heureux ceux qui ont soif et faim. Comme s'ils suppliaient les gens. Vous voyez, n'est-ce pas? Connaître Dieu, c'est sonder la Bible. Repérer ses principes. Les principes de Dieu révèlent son caractère. Les principes de Dieu révèlent son caractère. Lorsqu'on connaît donc ses principes, et vous ne pouvez pas connaître ses principes en dehors de la parole. Toute autre façon de vouloir connaître ses principes en dehors de sa parole, ce n'est que philosophie et imagination. Et là, n'importe qui peut interpréter cela. C'est-à-dire que tu peux croire que tu maîtrises ce que tu as de penser, alors que c'est une autre personne qui a été trompée. Ces principes sont éternels, c'est écrit dans la parole. Donc, en conclusion, déjà, dans la première partie, pour bien prier, il faut assimiler la parole. Pour bien prier, il faut assimiler la parole, pour ne pas être devant lui en train de dire les bêtises. C'est-à-dire que si je maîtrise ses paroles, quand il va le maîtriser, il ne va pas connaître les paroles à la lettre. C'est-à-dire que je connais que s'il me demande telle chose, il ne me donnera pas. Donc j'ai intérêt à ne pas demander, sinon je serai de perdre mon temps. Est-ce que c'est n'est-ce pas? Donc connaître Dieu, Dieu se révèle dans sa parole. Et en sondant sa parole, on découvre ses principes. Le but pour lequel les principes de Dieu sont là, c'est pour qu'on le connaisse mieux. Dans cet Hébreux chapitre 13, les versets 5 et 6, il dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. » Regardez, on dit que c'est lui qui a dit. « Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Vous avez deux choses. Soit vous essayez de courir par votre force, acquérir de l'argent pour dire que non. Il a aussi dit que l'homme va souffrir pour avoir quoi que ce soit comme vous voulez. À la suite de son front. Soit vous comprenez, vous asseyez devant ce verset pour essayer de comprendre ce qu'il a de me dire en disant Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Après, Paul dit, c'est donc avec assurance, parce que Dieu a dit ça, je peux donc dire avec assurance. L'assurance donc, c'est cette confiance-là, inébranlable, qu'on a accès à lui. C'est n'est-ce pas? Il dit, c'est donc avec assurance que je peux dire. Dieu a dit, afin que je dise avec assurance. Comme Dieu a dit quelque chose, donner une promesse, je suis en cité hébreu là. Car Dieu lui-même a dit, deux points, je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera point. Comme il m'a dit ça, je peux dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur quoi? Aide. Alors, il faut que ça me pousse à la méditation. Le Seigneur est mon aide. On aide quelqu'un qui entreprend. Je vais faire une marche, il m'aide à le faire. Aide. Quelqu'un dit une aide. Quelqu'un a accompli comme Adam. On a dit, on lui a fait une aide semblable. On n'a pas fait quelqu'un pour qu'il vienne s'asseoir à côté de lui. Adam a une mission à accomplir. Donc, dans sa mission, quelqu'un va l'épauler. Quelqu'un va soutenir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, pour que le Seigneur soit mon aide, que j'ai quelque chose à faire. C'est-à-dire que je trouve ce pourquoi je suis venu. Alors donc, le premier objectif donc, de tout être humain sur la terre devrait savoir exactement ce pourquoi il est sur la terre. La première prière consistera à faire ceci. De savoir le pourquoi nous sommes sur la terre. Quand tu sais exactement que tu es sur la terre, peut-être une fois que tu as fait 23 ans à Douala, alors que tu n'as pas encore commencé là où tu devais commencer. Peut-être dans ta Yabasi, tu es à Douala. Donc les 23 ans que j'en ai passé comme ça, là, c'est ton problème. D'où la nécessité de savoir dans quelle partie du territoire que tu en es occupé. Quel qu'en soit, même s'ils avaient fait combien d'années en Égypte, la destination, on l'attend, c'est où? Donc, quelque chose qui fait la même, même s'il construit les grandes pyramides, mais construit n'importe quoi, les routes à Gozer, fait n'importe quoi, apparent, même s'il fait n'importe comment, la destination c'est déjà tout haut. C'est à Canaan. Demande ton voisin, où est-ce que tu te trouves? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, les chrétiens, la prière, la Bible et Dieu, aujourd'hui, c'est un melting pot, on a mélangé des choses, où quand tu te places maintenant, on ne sait même pas comment se placer, comment avancer au devant de lui. Et le vrai problème, c'est parce que il y a un voile entre lui et nous. Il y a un voile entre lui et nous. Imaginez un seul instant que vous recevez une invitation que le président va vous accueillir. Et vu qu'on prenne cet exemple, on avance doucement d'accord. Le président va vous accueillir. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez déjà que le président, vous allez entrer dans sa présence d'un moment à l'autre. Vous êtes assis comme ça, c'est la salle d'audience. Voilà son bureau, à tout moment, quelqu'un va venir vous prendre pour vous les introduire dans sa présence. Avant que tu ne viennes dans la salle d'audience, depuis la maison, quand tu as reçu l'invitation, qu'est-ce que tu fais? Mais répondez-moi, je vais vous poser la question, vous allez me répondre. Vous faites comment? Ok. C'est préparé stipule que il faut qu'il sache que je dois être propre lorsqu'il serait devant lui. Je ne dois pas me comporter n'importe comment. Il y a des gens qui font des répétitions à la maison. Ils partent au miroir et disent que bonsoir, monsieur le président. Pas vrai? Au miroir pour mieux saluer là-bas. C'est pas vrai ça? Hein? Voilà. Même les militaires, les généraux qui passent la revue des troupes au commandement, ils font des répétitions pour ne pas fauter devant le président. Pour ne pas fauter devant le président. Ces jours-là, tu portes ta veste, tu scies, tu regardes, tu vois que c'est bien sorti, c'est bien arrangé. Pour aller devant un être humain qui a une fonction. Devant un être humain qui a une fonction. Quand tu es dans sa présence, tu ne te presses pas d'ouvrir la bouche. C'est lui qui te tend la main pour te saluer. C'est lui qui te demande de t'asseoir. Un être humain. S'il dit, on va te faire disparaître là-bas, tu ne rentres plus jamais dans ta famille. Un être humain. Tu poses la question. Entre cet être humain et le Dieu qu'on est censé servir, qui est grand? Comment, frère? La question que je me pose maintenant. Comment? Puisque vous avez dit avec moi que la seule façon d'entrer en contact avec lui, nous a donné l'invitation par la prière. On est d'accord? Préparons-nous pour entrer dans sa présence. Est-ce que nous nous préparons pour entrer dans sa présence? Parce que la préparation, la façon dont vous préparez montre la personne qui est derrière. On est d'accord? Si on vous dit que c'est un chap de contact qui vous appelle, tu vas venir avec le corps pour vous dire que oui. Tu m'appelles pour quoi? Pas vrai? Attends que le chef soit président, tu vas encore faire la même préparation que tu vas faire de l'autre côté parce que le protocole des lieux existe là. N'est-ce pas? Qu'on n'entre pas par la présidence à pied. Soit n'importe qui, tu n'entres pas avec la babouche. Donc même si n'importe quoi, même si tu ne portes pas la chaussure, tu vas porter la chaussure là-bas pour faire comme ça là. Tu vas seulement porter la chaussure. Mais si c'est un farfelu comme moi, on sait qui t'appelle, qu'est-ce que tu vas faire? Que tu as d'abord comme moi, il a dit, tu vois, tu as dérange. Dérange. C'est pas ça? Hein? Pourquoi? Avec Dieu, on ne peut pas prendre les choses au sérieux. Pourtant, c'est la seule façon qu'il nous a invités. Regardez dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Ce passage vient de montrer que Dieu nous invite à la prière. Le passage de Jérémie dit, Dieu nous invite à la prière. Invoque-moi, invoque-moi. Viens à ma présence. Viens à ma présence. Il ne dit pas que je vais voir s'il pourra faire quelque chose pour toi. Invoque-moi et je te répondrai. Viens dans ma présence, tu auras des délices. Viens à ma présence, tu auras la solution. Viens à ma présence, tu as tout. Viens à ma présence, je traiterai ton cas. L'invitation à la prière et l'assurance de Dieu de répondre. L'invitation à la prière et l'assurance de Dieu. Dieu a exactement donné l'assurance qu'il va répondre. N'est-ce pas, mes bien-aimés? On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui nous bloque donc pour que nous entrons dans sa présence de cette façon? C'est parce que nous n'étudions pas la parole pour savoir comment y entrer. Et l'un des moyens les plus sûrs que le Seigneur nous a donné dans la Bible pour savoir comment entrer dans sa présence sans problème, c'est les personnages qu'il a utilisés dans la Bible pour lui parler. Vous savez, n'est-ce pas? Quand vous ouvrez votre Bible, la façon qu'un être humain allait devant lui. Cette façon-là, il a démontré que vous pouvez faire comme ça. Donc, les personnages dans la Bible que Dieu a mis pour entrer dans sa présence, la façon qu'il communiquait, la façon qu'il priait, ce sont des principes pour montrer comment s'adresser à lui et comment entrer. Mais bien, vous comprenez. Donc, il n'y a rien que vous pouvez crier pour se délépater. Que les hommes, vous savez qu'il y a des gens qui mettent les deux doigts comme ça au sol, comme ça, marcher avec les pieds, non? Avec la main comme ça, les pieds sont soulevés. Que je vais prier Dieu, Dieu va me exaucer. Faites comme ça, tu vas tomber à la renverse. Tu n'entendras aucune voix. L'autre dit que non, je ne sais pas bien prier, il faut que j'arrange le mot. On dit la prière ou le prière, tu dis le prière. Non, c'est pas la prière. Seigneur, la prière, il s'en fout des fautes d'orthographe. Parce que tu peux parler bien en français, tout le complément d'objets directs sont bien classés. Le cœur est enténébré. Alors, si tu ne pries pas de cette façon, je sais me parler depuis pour régler quelque chose. Si on n'est pas dans cette façon de faire, tu es en train de mettre toi-même devant le problème. Parce que si Dieu ne t'écoute pas, ce sont les démons qui vont t'écouter. C'est là que je vais en venir. Souvenez-vous, chaque prière, souvenez-vous de ceci, chaque prière que un chrétien envoie et élève à chaque moment, ça monte, ça devient de l'encens. Vous savez ça? Vous savez au moins ça, n'est-ce pas? Tu es sûr, ça, frère Yannick? Tu es sûr que ça devient de l'encens? Ça monte en fumée. Ça entre dans le plat des anges. C'est ça, non? Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, jusqu'où donc vont nos prières? Est-ce que nous nous préparons à prier? Est-ce que nous aimons la communion du Seigneur? Est-ce que nous cherchons à le connaître? Vous savez ce que j'ai dit? Je vais prendre un exemple simple. Nous voici, nous sommes de rendez-vous ici à 15h aujourd'hui. Combien ont lu leur Bible, prié pour ce moment, pour recevoir quelque chose du Seigneur qui va partager avec ses frères? Et je répète la question pour toutes les fois qu'on se rassemble. Combien? Souvenez-vous, la vie dans la communauté chrétienne, la vie dans la communauté chrétienne, la vie de Christ qui s'y manifeste est proportionnelle à la relation de chaque membre qui s'y trouve. Vous comprenez, maman? Si nous sommes 20 ici, si ces 20 personnes sont en parfaite communion avec le Seigneur, ça va donner la puissance du Saint-Esprit de 20 personnes de ces lieux. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la communion personnelle avec le Seigneur, seul à seul, est prioritaire pour la vie de l'Église. La relation d'une personne en tant que chrétien seul avec le Seigneur importe par rapport à la vie de l'assemblée. On se comprend jusque-là, hein? C'est-à-dire que tu as intérêt à rester dans la présence de Dieu pour savoir ce qu'il dit de toi, afin pour qu'il puisse te dire ce qu'il dit des autres. C'est ça, ôte premièrement la poutre dans ton œil, afin que tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre. Donc, combien médite la parole avant de venir s'asseoir? Regardez, y a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il un cantique, même le cantique? Quelqu'un a-t-il répondu à cette question? Maman, elle nous donne la bouillie. Ouais, là, n'est-ce pas? Il n'y a pas un endroit où la bouillie va passer, c'est la banane et quelqu'un, une seule personne, a sommeil. Oui ou non? Il dit ceci. Quand on partage la banane, la bouillie et n'importe quelle nourriture ici, vous entendez comment la bouche des gens sort, non? Ou est encore quelqu'un a sommeil? Lorsqu'on a dit de partager par exemple la parole, le témoignage, vous voyez que certaines personnes sommeillent, non? Le fait qu'ils aient sommeil, c'est justement parce qu'ils manquent de connexion. C'est le fait, voilà la chose. Parce qu'il manque de connexion. Quand on a la, écoutons bien. Vous savez, le relation Sarment avec dans ces gens chapitre 15, n'est-ce pas? Sarment et Sep. Le sarment est sur le Sep, partage la vie du Sep. Le Sep est un arbre. S'il y a un sarment ici, un sarment ici, un sarment ici, un sarment ici, la même vie qui coule dans l'arbre principal, le Sep, coule dans chacun de ces sarments. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça veut dire que minute par minute, momentanément, chaque moment, la même vie coule partout. Si une ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, dès que quelqu'un de suivre la parole en train de dormir, il y a un problème. Et voici le vrai problème. S'il a de dormir constamment parce qu'il est fatigué, c'est différent. Mais s'il a de dormir la parole, il y a la nourriture, il ne dort pas, il y a un problème. Il y a autre conversation, il ne dort pas, il y a un problème. Si la même durée peut être mise devant le match, devant le film, il ne dort pas, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème doit être résolu. Il faut que nous allions devant le Seigneur. Remarquez que je ne suis pas de parler de l'aspect péché par rapport à la prière. Je ne parlerai même pas de cela. Parce qu'il n'y a plus d'éducation là-dessus. Donc si tu pèches, tu sais de quoi il est question. Donc je vais parler de la chose pratique, la prière profonde, la chose pratique qui peut empêcher ces choses-là. C'est n'est-ce pas? Donc notre relation avec le Seigneur est prioritaire. Et notre relation, écoutez encore ceci, la quantité de Christ en toi, c'est la quantité de la parole habitant en toi. La quantité de parole qui demeure en toi, pas dans la tête. Il y a des gens qui ont certains versets dans la tête et ils ont les injures dans le cœur. Donc quand ils sortent la bouche comme ça, c'est la mitrailleuse. Quand il faut sortir la Bible comme la mitrailleuse, il dit que c'est dans Jean combien là. Mais quand il dit que non, ça veut dire que ça ne doit pas sortir là. Quand il veut insulter, ça sort facilement. Donc c'est la quantité des problèmes qui est à l'intérieur. La quantité de Christ en toi, c'est la quantité de la parole. J'espère qu'on se comprend. Parce que c'est la parole qui est esprit. C'est la parole qui est esprit. Si ça demeure en nous, ça va faire ce que ça nous dit. Il n'y a pas deux façons. Vous comprenez ce qu'on appelle manger au rouleau, n'est-ce pas? Quand le rouleau entre à l'intérieur, la parole, quand ça entre à l'intérieur et ça vit, ça commence à te transformer. C'est la parole qui transforme. C'est pour cela qu'on appelle ça le miroir. Nous regardons dans ce miroir, nous sommes transformés. Nous regardons dans ce miroir, nous sommes transformés. Comme parle le Seigneur, l'Esprit. Celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'unit à la parole. Donc, ça veut dire que les principes de Dieu mentionnés dans la parole commencent à prendre forme en nous. Parce que je sais que la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même, mais ici il a exagéré. Voilà, n'est-ce pas? La Bible dit que ne vous vengez point. Non, mais il va me sentir. Vous comprenez? La Bible dit que ne vous vengez point. Mais ici, là, je vais lui montrer que j'ai peur. Voilà, n'est-ce pas? Donc, il y a la connaissance ici. Le principe ne prend pas vie. Et souvenez-vous, chaque problème que vous allez faire face, un principe de Dieu vous sera présenté sur votre cœur. Soit obéi, soit rejeté et prendre l'envol et faire ce que vous voulez. Donc l'homme qui a confiance en Dieu, l'homme qui a une ferme confiance en Dieu est connu lorsque l'épreuve de la foi est au devant de lui, pas avant. L'homme qui a une ferme confiance en Dieu, je sens parler de la prière depuis. L'homme qui a une ferme confiance en Dieu est connu lorsque l'épreuve se positionne. On peut savoir, oui, si c'est un homme de foi. Parce que la foi doit être éprouvée. Si la foi est éprouvée, tu passes le test, on peut dire que tu es un homme de foi. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te gifle la joue droite, présente l'autre joue. Quelqu'un te dit, bah, tu dis, mon ami, c'est la dernière fois. Si il fait le caractère, il peut te têter ici, sinon c'est parce qu'il est chrétien. Il y a un problème. C'est parce que tu es chrétien, sinon tu t'appellerais. Mais tu regrettes le fait que la chrétienté t'a attrapé. Tu comprends, mon cher? Donc, la chose, c'est ceci. Le principe de Christ, si on t'égypte sur la joue droite, présent l'autre joue, doit être à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne dois pas me défendre. Oh, regarde, il est faible comme ça, il est musclé comme ça, il est faible. Vraiment, yeah, j'achète ces problèmes-là. Je vais acheter le problème. Il n'y a personne, que Jésus soit acheté, il n'y a personne qui pouvait le toucher. S'il le voulait. Il peut être dégagé comme ça, la terre creuse tout un gouffre au côté de vous, là, ça vous avale. Vous disparaissez comme la poussière. On est venu jusqu'à lui l'attraper. Aujourd'hui, le prédicateur dit que j'ai l'onction qui est sur moi, ça fait que tu ne peux même pas me toucher. S'il veut qu'on te touche, on va te toucher. Quand je chicotais la peau de pied, la peau de Paul, quand la chicote l'a sortie d'eau. Quand ça fouettait comme ça, il criait entre le Saint-Esprit qui criait en lui. Le jour qu'il a dit que Ananias, est-ce que c'est le fruit que tu as vendu, c'est le Saint-Esprit là qui parlait. Quand on appelle ça, waouh, ça c'est Pierre, vrai, vrai. Il a ton voisin, quand on chicote, le Saint-Esprit n'a pas mal. Vous savez, n'est-ce pas? Donc l'homme de foi, l'homme qui a confiance au Seigneur est connu dans les épreuves. Et comment se préparer avec les épreuves? Plus j'ai grandi dans la parole, plus Christ prend son image en moi, plus mes réactions sont les réactions de Christ. Ayez en vous les sentiments, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Quand nous regardons dans ce miroir, 2 Corinthiens 3, versets 14 à 17, plus je regarde dans le miroir, je suis transformé. Plus je regarde, ce regard-là n'est pas juste jeter coup d'œil, c'est méditer. Le regard dans la Bible parle. C'est maman. Le regard dans la Bible, c'est pas. Il lit la Bible, déjà, j'observe. Il dit que, mettons à genoux, lisons. On lit, il y a avant, on lit, revend. Après, il dit que, chapitre 3, on ouvre d'abord le verset, pour regarder combien de versets. Quand c'est beaucoup de versets, on ne peut pas faire fraîche, on ne peut pas lire ça demain. Et si c'était un film, si c'était le match, on dit qu'on a 46e million, on dit que, ouais, le match n'a pas duré. Il faut que Barça, Paris Saint-Germain, Dieu. Mais la parole, on fait tout pour ce dernier. Curieusement, c'est ce qui nous procure la vie. On s'en éloigne. Ce qui nous détruit, on reprend. Prenez seulement un exemple sur les questions qu'on pose. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. On ne veut pas ça. Soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un veut s'attarder pour comprendre ce que le vin l'a dit. On ne dit que comment être rempli du Saint-Esprit. Il ne pose pas la question, il pose la question sur le vin. Parce qu'il va manger. Pour la satisfaction de la chair. L'épreuve de notre foi est faite pour que nous-mêmes nous soyons au courant si oui ou non nous sommes agréables à Dieu. L'épreuve de notre foi. D'accord, maman? Alors, beaucoup de chrétiens sont sur des mauvaises fondations. Les mauvaises fondations, c'est quoi? On pense à la place de Dieu. On prie pour nous, déjà en priant mal. On veut répondre à la place de Dieu. On prie pour nous, déjà on prie mal. On souhaiterait que Dieu réponde à notre manière. C'est ce que j'ai dit. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous prions. C'est-à-dire, j'envoie une correspondance. Vous savez, quand on envoie la lettre à la poste, tu écris la lettre. Tu pars à la poste, tu mets ton thème, tu mets. La lettre a un cheminement pour arriver à la destination. Si c'est une question que vous avez posée, si la personne veut, il peut dire que je suis occupé pour le moment, il ne te répond pas. Le jour qu'il veut, il l'écrit. Il l'envoie aussi. Il peut décider de t'appeler. C'est une autre façon de te répondre. Il peut décider de venir lui-même. C'est une façon de te répondre. Il peut décider de t'envoyer par le même canal que tu as fait. C'est une autre façon de répondre. Il peut décider qu'il ne répond pas à ta question. Il reste tranquille. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le cadre humain. Pour le cadre de Dieu, donc comme il a infini, il a une infinité de voies pour répondre à nos prières. Nous prions de notre côté. Il nous a invités de prier. Nous prions de notre côté. Nous prions déjà mal. Comprenez bien ceci. Donc il y a déjà la faute dans la prière et autour de la prière. Et nous voulons prendre la place de Dieu quant à la réponse. Vous savez, n'est-ce pas? Vous comprenez, mes chers soeurs? L'homme de foi, devant les obstacles à la prière, continue à prier jusqu'à ce que l'obstacle soit enlevé. Il ne se décourage pas. C'est ça l'homme de foi. Vous avez suivi? L'homme de foi, devant l'obstacle à sa prière, continue à prier jusqu'à ce que l'obstacle soit enlevé. C'est quoi l'obstacle enlevé? si Dieu te dit que c'est laisse cet obstacle là, je l'ai mis pour un but, la réponse est donnée. Donc l'obstacle est à enlever, la prière s'oriente autrement. Si l'obstacle n'est pas enlevé, Dieu continue à demeurer, à écouter à ce que tu as dit. Souvenez-vous du caractère de Dieu. Pas que quand tu pries une fois, il n'a pas écouté. Avant que tu ne naisses, il savait que tu prierais. Cette prière particulièrement. L'homme, je suis en montrer les signes maintenant. Les signes d'inconsistance dans la prière. Je prie une fois, il n'y a pas de réponse, je change de direction. Je prie une fois, il n'y a pas de réponse, je change de direction. Jacques dit qu'un tel homme n'espère pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Inconstant dans ses voies. Vous savez, n'est-ce pas? Donc le signe de notre manque de foi dans la prière, c'est-à-dire le temps de réponse, c'est l'inconsistance dans la prière. Tenir ferme dans ce que sont des prophéties. Vous me savez, frère? Je crois que Dieu m'a montré quelque chose, je crois que Dieu m'a montré quelque chose. Un mois, ça change autrement. C'est cette même personne qui me demandait, frère, que frère, je veux que je me pose une question. La question qu'il a de poser derrière, c'est pour voir vraiment, frère, c'était Dieu qui lui avait parlé. L'assurance donc que la personne professait avoir que c'était Dieu, d'où lui venait cette assurance. Est-ce que vous comprenez? On se met dans autre source. Cette personne dit que, mais regarde, c'est diabolique. Hey! Une autre personne vient dire que, tu dis que c'était diabolique, non, c'est de Dieu. Oui! Quatre personnes disent que c'est diabolique, une personne dit que c'est Dieu. Confusion. On n'a pas une certitude claire. Pour que cette certitude soit claire dans le cœur, il faut que notre esprit, notre âme, notre soit connecté à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut régler. De telle enseigne que cette parole-là peut répondre à l'intérieur lorsqu'il y a des interrogations à l'extérieur. De telle enseigne que cette parole à l'intérieur peut répondre aux interrogations lorsqu'elles sont, elles viennent de l'extérieur. Vous comprenez? Comment nous prions? Comment? Ce qu'on nous a appris, courage, d'accord? Ce qu'on, c'est pas facile. Ce qu'on nous a appris, c'est de formuler des prières. C'est arriver jusqu'au niveau où il y a des calmiers et des livrets de prières. Des prières de mercredi. À 15h, parce que c'est l'ange du mercredi, il s'appelle Michael. À 22h, c'est l'ange Samael et sa mère, c'est Richard qui parle. C'est l'ange de Richard, c'est qui là qui passe. À dimanche, on prie d'abord le Père de Miséricorde, la Sainte Famille. Voilà ce qu'on a enseigné aux gens. La prière est devenue donc des rituels religieux. Alors que la prière, c'est le moyen d'accès à Dieu. Le moyen, pas un moyen, le moyen d'accès à Dieu. Le, vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Le moyen d'accès à Dieu. Donc, on établit les règles de prière. Et ces règles de prière, donc, c'est la récitation et non la prière. C'est-à-dire, tu ouvres le carnet. Comme ça. Marie qui dénoue les nœuds. J'aime les nœuds de mon travail qui sont attachés. Dénoue-les. Ça ne changera rien. Parce que tu as quitté le principe de prière. La récitation. C'est bien aimé. Marie qui dénoue les nœuds. Que ma famille est tellement attachée dans un nœud. Il faut que Marie dénoue les nœuds. C'est grave là-bas. Ça, c'est pour les catholiques et les autres là. Donc, on a établi les règles de prière. Vous avez quelqu'un, il a sa Bible. La Bible est propre. Le carnet de prière est tellement ça parce qu'elle lit ça chaque fois. On fait ça, on combine avec quelques sommes. On invoque le Père, on invoque la Sainte Trinité. On prie Jésus, on prie Marie, on prie pour que la mère ne se fâche pas. On prie le Père pour qu'il est courroucieux. Il ne faut pas qu'il se fâche pour lui. On dit notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Quand on finit, on dit Sainte Marie, sa mère là. Parle à Jésus-Christ pour nous. Parce que si on parle directement avec lui, on a des problèmes avec lui. Parce que tu peux le flatter, comme tu as flatté à Canaan, il a donné le vin que les gens sourds. Donc tu peux faire encore pour nous aujourd'hui. Où est-ce qu'on a établi, n'est-ce pas? L'être humain a quitté le territoire que Dieu a donné pour qu'on soit ferme. Il allait concevoir ses propres choses. Dieu a donné la parole pour que si n'importe quoi bouge. 1 Pierre chapitre 1, verset 25 dit que le monde passe, mais la parole demeure éternellement. Et c'est cette parole qui vous a été annoncée. C'est ça? dont la parole demeure éternellement. Alors si la parole demeure éternellement, alors les principes de Dieu qui sont à l'intérieur sont éternels. C'est-à-dire que Dieu va agir ainsi. Et si tu agis ainsi, Dieu va agir ainsi. On se comprend, bien aimé. Donc comment est-ce que donc nous prions depuis? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Qu'est-ce que nous connaissons? Même les pentecôtistes sont dérangés lorsqu'ils entendent on finit de prier, il n'y a pas de notre Père. Il dit même le pas réflexe. Pour contenter, vous voyez, quand un catholique entre quelque part, quand il entend au moins le notre Père, il dit ce qui m'a plu ici chez vous, c'est que vous avez aussi au moins récité le notre Père. Et, écoutez, c'est que vous avez au moins récité le notre Père. Le récité. Vous avez au moins, quelqu'un dit réciter le notre Père. Que ça soit là. Pardonne-nous nos offenses dans le notre Père que ça continue. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il récite ça. Et il lâche quelqu'un sur le cœur qui n'a pas pardonné. Il ne comprend pas que c'est un enseignement que Dieu a dit pour être exaucé. On est d'accord? Il y a un problème. Le seul moyen que Dieu nous a donné de le rencontrer est faussé. Le seul moyen que Dieu nous a donné pour le rencontrer est faussé. Chacun doit se battre maintenant pour résoudre ce problème-ci avec sa vie spirituelle. D'accord, bien aimé? On va revenir sur ça, il va entrer encore dans les profondeurs. Chacun doit avancer avec le Seigneur. Et pour avancer, il faut que chacun sa porte s'ouvre. On se comprend? Alors, quand les portes de chacun est fermée, voici la preuve pour montrer que la porte de quelqu'un est fermée. On se voit à mercredi, non? Oui. Frère, pense à moi dans ta prière. Hein? Prie pour moi. Ce réflexe-ci. Quand ça ne va pas, on va avec quelqu'un pour qu'on prie pour soi. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, je vais dire ça autrement. Depuis qu'on est chrétien, avons-nous entendu la voix du Seigneur? Surtout, j'ai dit que je vais poser des questions, vous allez me répondre. Quand tu n'entends pas la voix du Seigneur, qui est ton père, il se pourrait que tu entends la voix de quelqu'un, tu réponds. Parce que tu n'es pas familier à sa voix. Pour que tu sois familier à sa voix, la première voix par laquelle il parle, sans ambiguïté, c'est la parole. Voilà, ça devant vous, c'est pas la parole. Alors, frère, vous pouvez lire la Bible, vous entendez la voix du Seigneur. Alors, si vous entendez sa voix, vous pouvez comprendre son langage. Si quelqu'un d'autre parle même par songe, même audiblement, vous pouvez savoir si c'est Dieu oui ou non qui parle. Parce que sa parole est déjà établie à l'intérieur. C'est ça qui a fait le temps que les pasteurs et autres qui ont acheté l'onction, acheté pour les prophéties autres là-bas, les gens courent vers eux parce qu'ils cherchent à avoir accès à quelque chose de spirituel. Ils ne comprennent pas que l'importance, ce n'est pas ça. L'importance, c'est qu'on cultive la relation verticale. La relation verticale. Quand on a la relation verticale, on pourra foncer horizontalement. Maintenant, dis ce que Dieu pense. D'accord, frère? C'est-à-dire, ta relation avec le Seigneur est prioritaire. Ta relation avec le Seigneur est prioritaire. Ta relation avec le Seigneur est prioritaire. Il faut que chacun dégage ce qui crée le problème. Cette nuage-là qu'il y a entre lui et Dieu. Chacun doit dégager. Chacun doit. C'est une nécessité absolue. Parce que plus on aime d'avancer, plus vous comprenez très bien qu'il y a plusieurs voix dans le monde. Plusieurs voix sont divines dans le monde. Et comment savoir si ceci est vrai ou si ceci est faux? Si c'est la direction du Seigneur, si ce n'est pas la direction du Seigneur. Comment savoir? Pourtant, lui, il nous a invités. Invoque-moi et je te répondrai. A-t-il dit ça? Je l'invoque. Comment il ne me répond pas? Il y a un problème. Parce que le problème n'est pas de son côté. Le problème est de notre côté. Vous savez, c'est frère. Donc, on a des problèmes avec lui. Qui connaît qui est son père, le vrai père céleste? Qui connaît? Vous connaissez vraiment qui est votre Dieu? Vous me suivez, frère? Est-ce que vous le connaissez vraiment? Souvenez-vous, j'ai dit que la connaissance de ce Dieu-là est liée à ses principes à lui. Vous connaissez ses principes, comment ils fonctionnent? Vous savez, on ne peut pas le corrompre. Ça ne sert à rien d'aller vers un homme, donne-lui l'argent, que donc prie pour moi. Comme ça, qu'il va prier, ça va marcher. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas lui qui a accès à la prière. Ce n'est pas lui qui a accès à la prière, ce n'est pas un homme. Donc ce n'est pas lui qui a la réponse finale pour ouvrir. Tout ce que peux dire par ton cœur, la réponse doit venir de l'Éternel. C'est de lui que tu dois venir. Si ce n'est pas de lui, toute autre source est faussée. C'est n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris que si tu as n'importe quel problème, viens à Jésus. Tu as n'importe quel... Et que Jésus est la solution. Est-ce que Jésus se limite à la solution? Il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi, frère? Vous comprenez. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous dites, je vais changer la façon de parler et de vous dire exactement où je suis en train de vous amener. Je recommence encore. Vous connaissez celui qui est en haut et que nous servons. Souvenez-vous de ce qu'il dit. J'ai dit que si nous sommes 30 ici, 40 ici, la puissante manifestation de Dieu dans notre milieu est proportionnelle à l'engagement que chacun aura vis-à-vis de lui. Vous comprenez que j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, nous avons besoin les uns les autres. Dans quel domaine es-tu fort? Souvenez-vous, il est notre aide. Avec assurance qu'il peut dire, il est mon aide. D'accord? Dans quel domaine es-tu fort? Pourquoi ne méditons pas nous la parole avant de venir nous rencontrer? C'est-à-dire que le but, c'est pas, je m'en vais lire la parole pour aller là-bas et dire telle chose. Non, c'est pas ça. C'est Seigneur, quelle est la nourriture que tu as pour moi? Vous pouvez être dans la parole de lire. Dieu vous montre quelque chose. On vient de la semaine, pendant qu'on a expliqué, vous comprenez effectivement que Dieu vous a confirmé quelque chose. Ça, vous avez découvert ça avec Dieu. Dieu vous a dit cela, d'accord? Pendant qu'on a parlé, la chose vient s'asseoir dans votre esprit. Effectivement, c'est Dieu qui m'a parlé. Vous me comprenez? Alors que vous êtes en train de méditer la parole. Vous commencez à méditer la parole subitement, vous sentez dans votre esprit qu'il faut prier pour un membre de l'assemblée. Vous voyez son image venir. Pourquoi on ne pense à telle personne avec force? Commencez à prier pour cette personne. Vous voyez, on vient au milieu de l'assemblée, on dit prions pour telle personne. Alors que la personne qui a dit prier pour telle personne n'était pas avec vous. Vous comprenez effectivement que le Saint-Esprit vous a utilisé à la maison. Vous comprenez cela? Je parle de cultiver sa propre relation avec le Seigneur. Vous avez des discussions, partagez avec une soeur, vous parlez d'une situation, vous posez des questions de la Bible, vous avez une interrogation à l'esprit, on va arriver à la semaine, on va voir cela. Vous allez faire comme ça, on vient à la semaine, on parle de ces choses-là, c'est clair. Vous tournez, vous regardez comme cela. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu qui est à l'œuvre. Vous comprenez? Donc passons le temps dans la méditation. Prions pour nous-mêmes premièrement. Résolvons le problème. Que la nébuleuse, les nuages, le nimbus columbus qui se tourne entre nous et Dieu, puisse disparaître. C'est ça le nimbus columbus, non, frère? C'est ça. Si. Hein? Différent du nimbus. Différent du nimbus columbus. Ça, c'est quand il était en classerie. On avait appris ça. C'est venu comme ça. Quand ça sort comme ça, moi, après, il réfléchit pour voir si j'en ai parlé ici, ils sont des divagués ou pas. Donc, c'est nimbus columbus. Vous savez, ce type de nuage, quand il va pleuvoir, c'est noir bizarre. Il faut que ça quitte pour que ton ciel puisse briller. Ça, c'est la fumée dans la prière. Il faut que ça quitte. Donc, je vais vous enseigner un principe maintenant et vais vous laisser pour que vous développiez dans la parole. D'accord? Un principe dans la Bible. Prenons dans la Bible. Prenons la Bible. Souvenez-vous, dans la prière, durant la prière, la main que nous utilisons pour tendre et prendre quelque chose de Dieu, c'est la foi. On ne saute pas au milieu de la semaine, on sait que j'arrache pas la foi. Quand tu dis j'arrache pas la foi, ça montre que tu as le traité dans la chair. Que j'arrache, écoutez bien ça, j'arrache pas la foi, j'arrache pas la foi. La foi c'est comment? Et demain tu doutes. La prosternation comme signe de soumission et de crainte du Seigneur. La prosternation comme signe de soumission et de crainte du Seigneur. La prosternation. La prosternation comme signe de soumission et de crainte du Seigneur. Donc c'est le principe qu'il va enseigner, d'accord? Il va vous laisser qu'on rentre avec cela, que ça prenne vie en vous. Que ça prenne vie dans votre vie de prière et je prie que le Saint-Esprit puisse entrer et prendre possession de toute votre âme, que votre vie spirituelle change. La prosternation comme signe. La prosternation. La prosternation comme signe. de la soumission et la crainte du Seigneur. Souvenez-vous, pendant que tu as utilisé d'expliquer ça, je veux dire quelque chose, je dis que connaissez-vous qui vous. Souvenez-vous, quand j'ai parlé des présidents, le cadre de président, vous avez que vous devez vous arranger, n'est-ce pas? Il y a une distance que vous saluez le président. Vous remarquez, n'est-ce pas? Il y a une distance que vous saluez le président. On met la main derrière, on le salue avec l'autre main. Une distance. C'est-à-dire qu'il y a un protocole à suivre dans sa présence. Je vais vous montrer, je vais dans la Bible un instant. Je vais vous le montrer. Vous y êtes, mes frères et mes amis? Je veux que vous méditez déjà même sur ce que je viens de dire comme titre. La prosternation comme signe de la soumission et de la crainte du Seigneur. La prosternation. Je suis en train de parler parce que c'est lié à la prière. Vous pouvez vous rentrer chez le gouverneur, c'est-à-dire que le gouverneur dans son bureau, l'entrée vous a crac-crac. Tu dis que ma boutique est fermée au marché là, je veux que tu envoies tes gars se déceler ça. Vous pouvez faire ça? Non. Il dit que le gouverneur dans son bureau, on a fermé ta porte, ton magasin au bureau, en Mbopi. Madame Foran sort, vous avez le pain, vous avez fait, elle ouvre la porte au gouverneur. Quoi, gouverneur? Dieu, j'en allais enlever mon, le scellé qu'ils ont mis sur ma porte là-bas. C'est possible ça? Alors, il y a un problème qui se pose entre elle et le gouverneur. Ou mieux, un problème se pose et que le gouverneur peut aider à résoudre ses problèmes. Il y a une façon qu'elle doit rentrer. Il y a une façon qu'elle doit s'adresser pour que le problème puisse être résolu. Parce que dès le départ, être dans son esprit et qu'elle le veut ou pas, la personne qu'elle va rencontrer est plus grande qu'elle. Donc, c'est elle qui a besoin de la personne, pas la personne a besoin d'elle. Le même principe doit être avec nous et Dieu dès le départ lorsque nous allons dans sa présence. Il a besoin de nous, il peut faire tout sans nous, pas vrai? C'est nous qui avons besoin de n'importe quoi de lui. N'importe quoi que nous avons besoin de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? La prosternation comme signe de la soumission et de la crainte du Seigneur. C'est quoi, quand on dit que quelqu'un se prosterne, ça veut dire quoi? Oui, prenons le premier passage Genèse au chapitre 18. Donc on a avancé. On a mis de voir un principe. Il a dit que je vais enseigner sur un principe. Ce principe-là doit nous aider à dégager notre atmosphère de prière et arranger les situations que nous avons devant le Seigneur par rapport à la prière. Et le thème c'est la prosternation comme signe de la soumission et la crainte du Seigneur. Souvenez-vous donc de ce qu'il dit dans le départ ici. Il dit que Dieu nous a mis des choses dans la Bible pour connaître les principes, pour aller dans la Bible et suivre ça tout au long de la Bible. C'est comme ça qu'on détecte les principes du Seigneur, d'accord? Et quand tu l'as maintenant, tu n'as que deux choses. Soit tu te soumets, soit tu lâches, d'accord? Vous allez voir maintenant que c'est différent des enseignements, des prières qu'on a eu, pas vrai? Tout ce qu'on avait dit là maintenant. Alors, Genèse au chapitre 18, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci. Merci. On peut avancer. Écoutez ici. Ceux qui ont la crainte de Dieu sur leur cœur ont ces principes en eux. Ceux qui ont les principes qu'on va voir là maintenant. Ceux qui ont la crainte de Dieu sur leur cœur ont ces principes en eux. Donc, je dois les rappeler. À ceux-ci, cette chose. À l'autre qui n'ont pas la crainte, les amener dans la crainte par la prosternation. Vous avez suivi ça, hein? Merci, Père. Chapitre 18 de Genèse. Donc, préparez-vous à prendre les versets. À un moment donné, je vais déposer la Bible, je vais commencer à vous les donner comme ça. Et je vais les citer. Donc, si je sens que la pression est lourde, je vais vous donner les passages, vous allez lire, mais je vais citer ce qui est écrit, d'accord? Je préfère qu'on lit comme ça parce qu'il n'a pas prendre beaucoup de versets. Regardez, il lit à partir du verset 1. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Chaque fois qu'on va lire chaque verset, chaque fois qu'on va lire chaque passage maintenant qu'il va donner, gardez à l'esprit le titre de ce principe. C'est quoi le principe? C'est quoi le principe? Amen. Chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente. On parle de qui ici? Il était comment initialement? Il était comment? Assis. Donc comme le frère s'est assis comme ça, à l'entrée de sa tente. Sous une chaîne d'onya, c'est sûr qu'il faisait soleil, la chaîne rabattait un peu. Là, il a mis la chaise là-bas pendant que tata Sarah, maman Sarah, ne peut pas le couscous. La Bible déclare, il leva les yeux. Il leva les yeux. Il était assis. Écoutez très bien. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. On n'a pas dit que les hommes sont venus. Il est assis là. Il est assis parmi les chiens. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Voici, trois hommes étaient là. Souvenez-vous, il était comment? Assis, regardez. Trois hommes étaient debout, nous sommes au verset 2 là maintenant, debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et souligné. Nous parlons d'un vieillard de 75 ans. Il est question d'un vieillard de 75 ans. Il est assis sur une chaise donnant cours à ses relaxations en méditant sur son sort lorsqu'il sera au paradis, en regardant l'héritier de sa maison, ainsi de suite, comment ça va arriver. Subitement, il ouvre les yeux, il voit trois hommes. La Bible déclare qu'il courut. Qui? Un vieux. Il courut. Pourquoi cet empressement vers ces personnes qui sont au-devant de lui? Vous pensez que il part pour jouer? Il arrive au devant d'eux, la Bible déclare qu'il se prosterna. Ça montre que Abraham, qui est notre père dans la foi, connaissait que ceux qui sont devant de lui sont aussi plus grands que lui. On est d'accord? Il a couru, un vieillard a couru pour aller vers eux, pour se diriger vers eux. Il s'est prosterné. Donc, il a quitté sa position d'assis, il a couru et il s'est prosterné. Un vieillard l'a fait. Le verset suivant dit, il a commencé à dire, mais mon Seigneur, où est l'espoir? Pour montrer que quoi? Qu'il se soumet à cette personne. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu l'espoir? Il ne sait pas s'il peut avancer. C'est un vieillard qui l'a fait. C'est un vieillard. Genèse. Chapitre 48. Prenons le chapitre 47 dans le livre de Genèse. On y va. Il dit chapitre 46 de Genèse. Il peut y aller. Je vais à partir du verset 27 là jusqu'au dernier. Chapitre 46. Donc du verset 27 au dernier. Je vais prendre la partie du verset 27 et on voit quelque chose. Genèse. Donc ceux qui sont dans la région, je crois que vous allez me donner cet arrangement. Si j'en ai senti que ça m'entraîne là maintenant. Genèse, chapitre 46. Non mais attention, nous sommes là. Ça c'est 48 qui est devant. Donc ce qui est en haut là c'est 47. 47, s'il vous plaît. 47, verset 27 à 31. On y va. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gosen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Jacob, 147 ans. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu son arrière-grand-père, un vieillard, qui a couru et s'est prosterné. D'accord? La Bible déclare, lorsque, verset 29, lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité et n'enterre pas ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Verset 31, en fait, c'est là que je voulais vous amener. Jacob dit, jure-le moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Puis il s'est prosterné sur le chevet de son lit. À quel âge? 147 ans. Rien n'a changé par rapport à son âge. J'ai pas le temps. J'ai remarqué que je suis quitté le chapitre 18. Cela dit, moi, chapitre 47, n'est-ce pas? J'ai pas le temps d'entrer là-dedans parce qu'il veut qu'on parcourt la Bible. Maintenant, si vous lisez votre Bible dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 21, il dit bien, si vous lisez la Bible, je viens de parler parce que dans Hébreux, chapitre 11, le verset 21, on fait état de ce que Jacob a fait ici. Moi, c'est ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai dit que dans Hébreux, chapitre 11, le verset 21, on parle de cet acte, ce que Jacob a fait. Vous comprenez? Je crois que. Quelqu'un y est, vous avez ouvert, quelqu'un a-t-il ouvert dans cet hébreu pour quand il veut. Verset 21. Allons-y, qu'est-ce que ça dit? C'est par la foi que Jacob mourant béni chacun des fils de Joseph. Oui. Et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas ses fils qui l'ont adoré. C'est le Seigneur qui l'a adoré. Ici, dans ce verset 31 du chapitre 47, on dit que quand il s'est tourné. Ah, vous parlez du prophète là. Non, c'est pas le moment de parler de ces choses. Alors, quand il s'est tourné, mais Joseph a dit que je le jure. Donc, ça a été consommé, c'était signé en haut. Il savait que c'était signé en haut. Il s'est tourné maintenant. Il s'est prosterné devant Dieu. Il dit au chevet de son lit. À 147 ans. 147 ans. La Bible dit, la Bible met ça dans le compte des héros de la foi. On dit que c'est pas la foi qu'il a fait. Par révélation, il s'est mis à genoux. Par révélation. Bon, le verset 31 ici, là, le verset 31, c'est dit, Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. On a dit se prosterner. Hébreu dit que il adora. C'est un Israélien, donc il doit adorer une autre personne en dehors du Dieu d'Israël. Il s'est prosterné. On est d'accord? Avançons. Alors, dans le livre de Daniel, après on pourra revenir selon que ça nous guide là. Livre du prophète Daniel. Souvenez-vous chaque fois du titre. D'accord? Daniel chapitre 6. Après, on va revenir dans le livre de Samuel. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce principe va vous permettre de dégager les nébuleuses qui se trouvent entre vous, cette muraille-là. Par ce principe, on peut savoir par les yeux du cœur l'autre personne qu'on évoque. Par ce principe, on peut savoir avec les yeux de la foi, les yeux du cœur, l'autre personne qu'on invoque et savoir maintenant l'approche. D'accord? Chapitre 6 de Daniel, il vient du verset 5, la partie du verset 5. Donc, c'est l'histoire de Daniel où on a jeté la force au lion. On a voulu faire pour l'accuser injustement, d'accord? Donc, on va lire la partie du verset 5 rapidement. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes, c'est verset 5, du dernier chapitre 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi, roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, vous y êtes, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Donc, un décret qui interdit aux gens de prier pendant 30 jours, à moins que ce soit une prise Satan et son agent. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Imagine, c'est les êtres humains qui disent que leur loi est immuable. Comment faisons la loi de Dieu? C'est-à-dire que ce qu'il a dit ne change pas. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret, écoutez bien. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et écoutez bien maintenant, vous avez moi, et trois fois le jour, il soulignait. Et il louait son Dieu comme il le faisait au. La Bible nous donne le renseignement que chaque fois qu'elle prêtait, comment? On dit comme il le faisait auparavant. Donc, autrement dit, sa façon de prier n'a pas changé. Oui, Samuel. Oui, Samuel, chapitre 12. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 12, il s'agit de l'adultère, du meurtre du prophète David, du roi David, d'accord? Dans 2 Samuel chapitre 12, il s'agit de l'adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. Il semble d'indiquer la situation du verset pour avancer rapidement là, le point qui nous intéresse. Nathan vient donner la sentence, vient donner la parabole, puis il donne la sentence à David. Donc on va aller exactement là où Nathan a donné la sentence et voir la réaction de David directement. D'accord? On y va. Verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui était né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Remarquez très bien. Ici, il s'agit d'un être humain qui a fait une faute. Dieu a donné la punition. Le principe de Dieu, il veut montrer la réaction de cet homme qui a été puni et qui sait qu'il est fautif. D'accord? Dans Daniel, on voit clairement, lorsqu'on a éprouvé quelqu'un par la parole, on voit la réaction, le principe. Dans le cas qu'on a lu, maintenant, par rapport à la promesse de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 47, on a vu comment quelqu'un comprend que la promesse de Dieu s'accomplit sur lui. On voit le principe. Quand la promesse de Dieu s'accomplit, on voit comment il agit. Est-ce vous comprenez? Dans le Genèse chapitre 18, on voit exactement comment quelqu'un peut être dans la méditation. Et si c'est effectivement que le Seigneur est présent maintenant, le moment est arrivé pour prier, comment il peut courir, comment il peut faire. On doit voir ce principe-là, d'accord? D'accord, mes frères? Verset 17. Les anciens de la maison, de sa maison, non, j'ai sauté. Donc, je me suis arrêté au verset 15 où il dit, et l'enfant fut dangereusement malade. Verset 16, venez écouter. David pria Dieu pour l'enfant et, quoi? Et quand il rentra, il soulignait. C'est le roi ici. Il passa la nuit couché par terre. Le volet suivant dit qu'il va faire comme ça pendant combien de jours? 7 jours. Il va faire ça pendant 7 jours sans manger, sans boire, couché par terre, le roi du pays. Vous comprenez? Je peux avancer. La prosternation comme signe de soumission et de la crainte du Seigneur. La prosternation. Matthieu. Matthieu. Il dit c'est plein seulement dans la Bible. C'est plein dans la Bible. S'il reste dans l'Ancien Testament, c'est fort seulement. Matthieu. Chapitre 2. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, il s'agit de l'histoire des gens qui sont devenus qui ont vu l'histoire de Jésus. On les appelle? Les mages. On les appelle? Les rois mages. Levez-vous. Donc, ouvrez votre Matthieu, chapitre 2. Toi, tu ouvres Matthieu, chapitre 2. Je dis Matthieu, chapitre 2. Donc, ce sont les? Les rois mages. À haute voix. Les rois mages. Voilà. Donc, Quand on va ouvrir chapitre 2, quand tu vas lire un verset, on va lui lire un verset jusqu'à ce qu'on finisse, jusqu'au verset 11, d'accord? C'est pas la même version. Comment tu nous compliques la vie comme ça? Donc, parlons ma version. Ça, c'est quoi? C'est semaine, ça? Ou c'est pensée courant? Pensée courant. C'est ça, on dit que le policier du temple, les gendarmes sont venus arrêter Jésus-Christ. Donc, Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, n'est-ce pas? Donc, tu lis le verset 1. Il est le verset 2. Donc, quand tu finis le verset 1, vous suivez attentivement dans votre Bible. Allons-y. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Soulignez. Nous sommes venus pour faire quoi? Ça, ce sont les satanistes. Moi, la France me regarde comme ça. Elle a dit, ah, ok. Allons-y ici. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui perdra Israël. Non, il n'est pas venu pour perdre Israël. Lis ce qui est écrit. Qui perdra. Oui. Israël, mon peuple. Oui. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce que s'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Soulignez. Vous y êtes? Souvenez-vous, je suis en train de vous découvrir ces principes-là dans la vie. On va avancer, d'accord? Oui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Restez debout. Dans quelle version on parle des rois mages là déjà? Aucun. Okay. Hein? Aucun. Okay. Où est-ce qu'on parle des rois mages? Où est-ce que vous avez ramassé ça? Dans le film. Dans le film. Pour les frères là. Applaudissez pour les frères. Hollywood va nous tuer. C'est pour ça que j'ai précisé là-dessus que qu'est-ce qui sont ceux qui sont venus jeter Jésus. Parce que ça veut dire que quelqu'un devait tomber là-dedans, que c'est le roi mage. D'autres vont encore plus loin en disant que c'est toi roi mage. Tu demandes où est-ce qu'on a donné un nombre, personne ne peut te demander. Tu demandes. Où est-ce qu'on les appelle les rois mages? Personne ne peut le dire. Parce qu'en réalité, dans la mythologie, ce qu'on nous expliquait, c'est une autre histoire d'une autre divinité par rapport à Jésus. Je n'ai pas besoin d'entrer là. Je vais parler des versets d'extrême. Je vais parler de la naissance du roi, du Dieu soleil. Les gens qui viennent lui rendre visite pour lui donner le cadeau, c'est exactement comme pour Jésus. Donc la personne qu'on parle, le roi mage, qu'on parle, c'est pour eux. C'est pas ce que Jésus a nous dit. C'est pour ça que, c'est ton voisin, tu dois lire la parole. Vous avez vu, n'est-ce pas, frère? Voilà, merci. Donc, voici même les satanistes qui sont venus entrer alors que Jésus était péché. Ils sont prosternés, ils ont adoré le petit enfant dans le berceau. Ils se sont prosternés et adorés le petit enfant qui est dans le berceau. Et dans Hébreux chapitre 1, on dit clairement que lorsqu'il introduit le premier, le nouveau-né, ou de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent, l'adorent. On peut avancer, frère. Je peux avancer. Acte des apôtres. Avant d'acte des apôtres, prenez le livre de Luc au chapitre 24. Je vous aime. Souvenez-vous, il est chaque fois garder ce principe-ci dans la tête maintenant avec le titre. Acte des apôtres. Non, je dis, avant d'acte des apôtres, disons Luc. Je vais rester dans le Nouveau Testament maintenant. Dans le Nouveau Testament jusqu'à ce que j'en finisse. Et puis, on va aller dans la deuxième partie de cette soirée. Cet après-midi. Luc chapitre 24, dans le livre de Luc, on prend les deux passages. Donc après, il va aller au chapitre 24, il va rentrer parce qu'il s'en est senti qu'il y a quelque chose aussi derrière. Luc chapitre 24. On y va. Verset 50 et 52. Chapitre 24. Il les conduisit, c'est lors de l'ascension du Seigneur Jésus. On y est. Il les conduisit jusque vers Béthanie, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel pour eux, après l'avoir adoré. Donc à la naissance de Jésus, les satanistes l'ont adoré. À son élévation dans les cieux, les vrais chrétiens l'ont adoré. Je vais parler de cet aspect-là, l'aspect de l'alpha et de l'oméga. De celui qui est, celui qui était, qui vient. Je vais vous parler dans un enseignement particulier. Vous allez voir les relations. À la naissance, les satanistes sont venus l'adorer. À sa résurrection, les gens sont venus l'adorer. Mais à sa mort, lorsqu'il fallait passer son épreuve, chacun l'a fui. Mais souvenez-vous, si je vais entrer dans ce domaine-là pour essayer d'autres choses, ces choses, si Dieu veut qu'on corrige cet état, il ne faut pas qu'il me loigne de cette vision, d'accord? Donc il dit, pour eux, après l'avoir adoré, il se sépara de... Non, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Après l'adoration. La joie. Après l'adoration. La joie. Après l'adoration. La joie, frère. Nous. Nous adorons le Seigneur, on sort de la tristesse. Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas, frère? Rentrons au chapitre 5. Ouais, frère, on a coupé. La femme a pris ta place. C'est bon, ta place là-bas, n'est-ce pas? Je dis, nous on la lit toujours, n'est-ce pas? Le chapitre 5, que Dieu vous bénisse vraiment. Alors que ces principes-ci sont en train d'être restaurés pour que les nuages. Après ça, après qu'elle ait fini avec les principes, je vais m'atteler encore à parler pour éclaircir certaines ombres par rapport à ça, d'accord? Chapitre 5 de Luc, chapitre 5. Dans ce chapitre 5, il fait état de lorsque Jésus s'est présenté pour la première fois aux disciples alors qu'ils étaient dans les péchés. D'accord? C'est donc l'appel de Pierre. Donc c'est l'appel de Pierre, le chapitre 5. Dans le chapitre 5, dans l'appel de Pierre, verset 1, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gérézanrette, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, je suis verset 2 maintenant, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, écoutez très bien maintenant frère, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais suis ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Verset 8, écoutez très bien. Quand il vit cela, quand il a constaté, quelque chose est arrivé, il a constaté, d'accord? Simon Pierre, quand il a constaté, qu'est-ce qui s'est passé? Acte des apôtres. On y va. Ils sont les survolés seulement. S'ils viennent dans l'enseignement, là, ils vont prendre livre après livre, livre après livre, après chaque livre et voir les personnages. Ou bien si on prend plutôt en thème des personnages, vous allez voir. Regardez avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit livré pour être tourmenté à la croix. Regardez sa réaction. Écoutez bien maintenant. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit livré pour être tourmenté à la croix, cette nuit, il a passé la nuit dans la prière. Oui ou non? Il est allé à un lieu appelé Gethsemane, c'est-à-dire que le lieu du pressoir de l'huile. Le lieu où on presse l'huile. Il allait s'appuyer là-bas, jusqu'à ce que sa sueur est sortie sous forme de grumeaux. C'est ça? La Bible déclare que pendant 3 heures de temps, il s'est avancé, il s'est jeté à genoux. Jésus. Pour prier. Jésus, le souverain, s'est jeté à genoux pour prier. Pour prier Dieu, Jésus-Christ s'est prosterné pour prier. Hein, frère, pour prier Dieu. Aujourd'hui, le pasteur dit comme cela. Seigneur, je n'ai pas voulu m'appeler moi-même, mais tu m'as appelé dans le désert. Si tu es le Dieu qui m'a appelé, réponds à ma prière. C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Je vais seulement vous montrer ces principes-là dans la Bible. Jésus, au lieu de pressoir, a appuyé dans la prière jusqu'à ce que sa prière devienne de plus en plus intense, jusqu'à ce que les veines se sont coagulées pour sortir au travers de ses pores du sang. Chapitre 7 des Actes des Apôtres. Vous y êtes? Les deux derniers versets, tu peux me lire les deux derniers versets? Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oui. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne les impute pas ce péché. Soulignez, il s'étant mis à genoux. Donc, tous les principes de Dieu lors de la prosternation, vous allez voir tous les aspects de la vie, ça se trouve. Et quand tu es dans la souffrance, et quand tu es injuste, justement, et quand tu es dans la faute, et quand tu constates que Dieu t'a béni, et quand tu sens qu'il faut aller dans la présence de Dieu, et quand tu es passé par une difficulté extrême, tout est présenté. Tous les personnages sont présentés. Quand vous allez prendre des passages là, rentrez, relisez doucement, doucement, et laissez le Saint-Esprit vous guider. C'est ça qui dit que je prie que le Saint-Esprit utilise cela pour broyer tous ces nimbus, stimulus qui se trouvent devant de votre cieux. D'accord? Alors, il a appelé quelqu'un. Normalement, il devait, à notre étape-ci, c'est qu'on va se souvenir, si c'est comme quelqu'un comme le frère Achim va dire qu'il était senti dans le quatrième dent. Avant que Paul le fait, qu'il avait mis les dents à Paul, le Saint-Esprit, bah! Après, il dit, pardon, mon frère qui était là-bas de taper. La Bible dit qu'il pria, que le Seigneur ne l'a plus de point sans péché. Il pria, Seigneur, reçois mon esprit. C'est prosternant, il dit que le Seigneur ne l'a plus de point sans péché. Donc, en pardonnant à ses ennemis, en priant Dieu pour que Dieu pardonne à ses ennemis, il s'est mis à genoux. Les ennemis sont de nous tuer. Pas la tête quand on dit qu'on te tue, quand on dit qu'il veut te tuer. On tapait sur lui le caillou. Il s'est mis à genoux pour prier. Il s'est mis à genoux pour prier pour eux. Vous comprenez, frère? Restons dans Actes des Apôtres. Chapitre 9. C'est plein là-dedans. Vous savez? Si vous restez dans l'Ancien Testament, vous allez dire que c'est un principe de l'Ancien Testament. Vous remarquez ce qu'on a traversé, même dans le même tampon, n'est-ce pas? Dans les évangiles. On est en plein dans le Nouveau Testament, dans l'Église, là maintenant. On avance. Dans le chapitre 9, je vais pas en partir du verset 30 quelque chose. Il s'agit de l'histoire de Tabitha, cette femme-là, Dorcas, qui est morte. D'accord? Au chapitre 9. Vous y êtes? Ok. Je vais lire à partir du verset 36. Alors, l'histoire se trouve à partir du verset 36, d'accord? Donc, je vais lire à partir du verset 40, d'accord? Donc, c'est le verset 36 pour comprendre bien la chose. La situation de cette femme qui était malade et qui est morte, Tabitha. Ça va du 36 jusqu'à 43. Je vais pas à partir du verset 40 rapidement pour qu'on nous aille. Pierre fit sortir tout le monde, se mit et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Vous y êtes, n'est-ce pas? Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Donc Pierre, même pour lever Tabitha, est entré dans la prière et en priant, il s'est mis Pierre. Vous avez mangé jusque-là? Bien aimé, ces choses que sont venues lire, est-ce que c'est étranger dans la Bible? N'est-ce pas les versets qui sont écrits, qui sont couchés là depuis? Nous parlons de notre attitude devant ce Seigneur là. C'est-à-dire que c'est l'ignorance quant à la personne qui est de l'autre côté, qui fait qu'on se comporte de mode comment devant lui. D'autres plus parce qu'il montre le doigt au ciel. Que si tu ne me réponds pas, c'est la dernière fois qu'il me dit la parole. Et puis ça enlève Dieu devant Dieu. Si tu t'amuses, tu te commences à écrire Dieu avec petit D, ça ne fait absolument rien. Quand tu vas faire comme ça dans la maison, un jour tu vas encore revenir dans la repentance, dans ces domaines-là. Tu vas continuer là où tu t'es arrêté. Nous sommes au chapitre 9, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas, frère? Avançons au chapitre 20. Dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres. Dans le chapitre 20, chaque fois j'installe le décor, j'explique le contexte pour entrer rapidement vers là où il va arriver. Dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, il s'agit de l'adieu de l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse. Il va les appeler, les exhorter. Plus il allait les exhorter, plus il donne des recommandations et plus il voit à quel point Satan va toucher l'église. Il voyait cela. Vous savez, l'aigle là. Il voyait, quand il a regardé à l'horizon, il a vu ce qui vient d'arriver. Voici vers 8 et suivant dit, je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront de lourds avisés qui ne prendront point le Christ. Ça l'inquiétait. Après, il dit que vous savez que je ne suis pas passé au milieu de vous tous en prêchant le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Avançons quelque part dans ce chapitre 20 là. Vous y êtes. Verset 35, je vais rapidement verset 35. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Verset 36, écoutez très bien. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis et pria avec eux tous. L'apôtre Paul, après avoir parlé, il s'est mis à genoux avec eux et prié. L'apôtre Paul. La prière de la Dieu. Il a prié étant à genoux. Chapitre 21, tout cela. Et tous fondus en larmes. Il dit verset 36, 7 du chapitre 20 là. Et tous fondus en larmes et se jetant au cou de Paul. Parce qu'il avait dit dans son exhortation, il a dit que c'est la dernière fois qu'on me voyait comme ça, on ne le voyait plus mon visage. Tous ont commencé à pleurer. Pendant qu'ils étaient à prier, on a marché, on disait qu'on ne peut plus voir ton visage, tu vas partir. C'est terminé. Quel adieu solennel. Chapitre 21. Je vais partir du verset 5 là rapidement. Chapitre 21. On y va. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir. Et tous nous accompagnaient avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes sur le rivage pour prier. Donc, les apôtres sont arrivés chez des frères. Quand ils partaient, puisque le moyen d'embarcation le plus facile était en bordure de la mer. Ils sont allés en groupe, les femmes sont sorties avec les apôtres pour les accompagner, ils sont arrivés là-bas. Tous les chrétiens sont mis à genoux en bordure de plage pour prier, pour recommander entre nous voyants, entre nous du Seigneur. Vous parlez de quelle chrétienté qu'on vit aujourd'hui? Il dit, vous parlez de quelle chrétienté qu'on vit aujourd'hui? Que même au bureau, les gens philosophient pour prier. Quand le monde veut lire le roman pornographique, il lit là pour que tout le monde voit. Quand il lit les nous deux, les presses, les elles, il lit pour que tout le monde voit. On ne veut pas lire la Bible pour qu'on voit. Quand ils sont en bordure, ils arrivent en train de prier là-bas. Est-ce qu'ils sont là pour se faire voir? Est-ce qu'ils sont là pour se faire voir? Ce n'est pas eux seulement qui embarquent, parce que c'est un endroit comme vous appelez gare routière, où les gens voyagent normalement. Donc c'est un port où les gens voyagent. Ils se mettent à genoux là pour prier. Quand les gens font les incantations là-bas en bordure de plage, vous voyez ça pas vrai? Est-ce qu'ils ont votre temps quand ils font cela? Hein, mes chers frères? Quand vous êtes à côté là-bas, les filles s'amourassent là-bas avec les garçons là-bas, ils pique-niquent là-bas. Ils ont votre temps. Quand nous devons faire pour nous, nous avons peur. Je recommence encore. Est-ce qu'on connaît qui est au-delà de l'autre côté qu'on veut invoquer? Dans Josué chapitre 7, lorsque Akan a péché, quand le prophète Josué a su que Israël avait un problème, David déclare lui et les 70 hommes anciens d'Israël sont prosternés du matin jusqu'au soir pour chercher la face de Dieu pour que le problème soit résolu. C'est prosterné du matin jusqu'au soir. Le prophète, il se mit là. Il dit que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Lui et 60 leaders des clans sont mis à genoux. Les pères, souvenez-vous, ce n'est pas les jeunes qui étaient là-bas, les pères, ils sont mis à genoux. Restez là jusqu'au soir pour que Dieu réponde. Si on demande, si on prie, la seule chose qu'on demande ça de prier, c'est que quand quelqu'un est chargé de prier, on dit que prier pour telle personne, fais avec quelqu'un, fais le jeu soir. Pendant que quelqu'un reste tranquille, il ne sait pas prier, il ne sait pas ce qu'il va dire, parce qu'il n'a pas accès de l'autre côté. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Prions, ma soeur se prie pour le repas. Il ne sait pas comment prier. Mais c'est terrible comme langage. Dis quelque chose à Dieu, je ne sais pas comment dire à Dieu. Mais parle à Dieu, je ne sais pas lui parler. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Donc on se réunit comme ça que ma soeur, c'est toi qui prie. N'est-ce pas un privilège d'aller, quand tu dis, d'aller parler à Dieu? Quand le chef de l'État va venir ici, on choisit l'enfant du ministre qui va me donner les pots de fleurs au président. C'est un privilège. Un privilège que si quelqu'un, on demande quelqu'un à ici en ville, on dit qu'on veut voir les gens au stade pour quelqu'un qu'on va commissionner pour qu'il va représenter droit devant le chef d'État pour donner l'enveloppe si. Tout le monde va courir là-bas parce qu'il veut avoir accès au président pour lui donner. C'est pas ça? On dit aux chrétiens que prie, recommence un moment sur Dieu, il dit je ne sais pas m'en faire. Je ne veux pas devant Dieu. Ça montre que sa clé est verrouillée. Il a gardé la clé d'accès. Et ça, dans la grande majorité des cas, comme je le dis, les pasteurs sont coupables parce qu'on n'a pas mis les chrétiens sur les bonnes fondations. Nous sommes coupables en tant que pasteurs parce que nous n'avons pas été sur les bonnes fondations. D'où mon appellation, centre des brigades de formation de fous, pour former de fous afin de relâcher dans la nature pour qu'ils pervertissent ces choses de Dieu. Si la personne qui a conçu est fou, le pasteur va se dire comment? Il forme quoi? Dans l'école biblique. Nous voulons prier selon Dieu, pas vrai? C'est selon ses principes. On avance. Finissons de la vie Apocalypse. L'apôtre Paul, pendant que vous avez déchiré votre Apocalypse, l'apôtre Paul, quand il va sentir la puissante main de cette révélation glorieuse qui avait été cachée depuis en Dieu, lui est révélée. Au chapitre 3 d'Éphésiens, il dit à cause de cela, j'ai fléchi les genoux. À cause de l'excellence des révélations qu'il a été donné, c'est pas moi qui dis vous, regardez, vous êtes plus le visage comme mon frère. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père du ciel, duquel toutes les familles qui sont dans le ciel et sur la terre. C'est pas ce qu'il a dit, frère. Il dit à cause de cela. C'est le seul fait qui connaît le plan de Dieu, il met les genoux au sol. Hein, frère? D'autres ne veulent pas se consterner parce qu'ils ne veulent pas salir son bon habit. D'autres ne veulent pas se consterner parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement. D'autres vont se consterner, vont dire que mes genoux, je sais que je suis une personne âgée. Et il dit au sort, ça va. Dis à ton voisin Jacob, 147 ans. Donc peut-être deux fois ou trois fois ton âge. Dis à ton voisin, peut-être deux ou trois fois ton âge. Donc laisse-moi personne âgée. Est-ce que c'est ici? Ah. La prosternation comme signe de la soumission et de la crainte du Seigneur. Lorsque quelqu'un te dit parler, tu mets ta main dans la poche. Vous savez très bien que même si tu ne savais pas, tu sais très bien que la personne interprète ce que tu as de faire, n'est-ce pas? C'est ainsi dans la gesticologie, dans le gestuel. Si quelqu'un ne te dit pas, si quelqu'un ne te parle, tu comme ça. Même si c'est la mouche qui était là ou le moustique, tu veux taper comme un moustique, qu'est-ce que la personne va dire? Que tu dis, alors que ça va ouvrir la bouche, tu dis qu'il a dit ah! Alors que la personne va parler, parce que tu sais que ça veut dire ah! Ah, tu déranges les gens, c'est pas ça? Hein? Donc, ça veut dire que tu déranges les gens. Si une femme vient voir ce monsieur, c'est comme ça, si veut me saluer, si, papa, salue-moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il se connaît. Je ne lui dis pas que je te respecte. Le geste montre ce que je suis en train de lui dire. Le geste montre ce que je suis en train de lui dire. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous faites quoi? Quand vous faites ça, vous faites quoi? Est-ce qu'il a dit viens? Le geste indique ce que tu es en train de dire. Tu viens de dire, on part ensemble, tu comme ça. Tu viens de dire quoi? Le geste montre ce que tu es en train de dire. De la même façon, se mettre à genoux, se coucher au-devant de Dieu. David appelle ça humilier son âme dans le jeûne de la prière. Durant ce moment-là, il se se prosterne devant de lui. Il dit, cette chose en faisant comme ça, ça montre notre humilité, notre soumission, notre rabaissement et l'élévation de celui que nous venons devant lui. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, ce n'est pas la loi de Moïse. Pourquoi dire que ça a disparu? Parce que la peau pour André pratiquer, c'est la peau de Pierre pratiquer, c'est Jésus à pratiquer. D'accord? Donc on peut voler maintenant. Quittons la terre, allons au ciel, d'accord? On peut aller ensemble. Souvenez-vous, là-bas, il n'y a pas d'impurité. Donc je vais amener seulement nos pensées maintenant là-bas. D'accord? On va garder ça dans Christ et avançons là-bas. Parce qu'il y a peu qu'on parle là-bas, que nous voudrons descendre rapidement. Donc j'amène toutes nos pensées maintenant devant le Seigneur, d'accord? Apocalypse, chapitre 1. D'après Apocalypse 1, ici, il s'agit de la révélation du Seigneur à Jean. Avant justement au verset 17, je vais lire. Donc quand Jésus s'est présenté à Jean, regardons la réaction au verset 17. Quand je le vis, allons-y. Ça va, vous avez vu? Ça c'est le Jésus sur qui il s'est couché sur son ventre quand il était sur la terre. C'est quand il a vu, première chose réaction, trois au sol. Nous sommes au ciel là maintenant, mon cher. C'est dans la vision céleste ici. On avance par Apocalypse. On peut avancer. Avançons. Chapitre 1. On y va. Chapitre. On a chapitre 4. Vous y êtes. Il vient de partir du verset 8 jusqu'au verset 10 là, regardez. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. On y va. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était, qui vient. Marie d'abord là-bas. La récitation. Je vais parler avant d'avancer dans la lecture. La récitation qu'on a donnée aux gens dans la prière a fait le fait que les gens croient que c'est en parlant trop que Dieu répond. La Bible déclare que ceux-ci devant le trône ne disent ce qu'ils disent depuis jour et nuit. C'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Donc, cette nuit, pendant que je suis en train de parler, c'est ce que je suis en train de dire là-bas. Quand il est fini de parler, c'est ce qu'il sera en train de dire. Quand il va aller dormir, c'est ce qu'il sera en train de dire. Il me réveille la nuit pour aller pisser, c'est ce qu'il sera en train de dire. Le matin, c'est ce qu'il sera en train de dire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars, comme ça, 2001, 2002, 2003, 2004, jusqu'à ce que 2000 quelque chose finit. C'est ce qu'ils disent. On dit qu'il n'est pas la Bible de cas qui ne cesse de dire. Amen. Ok. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24. Écoutez bien. J'ai c'est souligné. Les 24 d'IA se prosternent devant celui qui est sur le trône et il souligne. Nous avons quitté la terre, nous sommes là pour voir comment ça se passe là-bas. D'accord? C'est là où nous sommes maintenant. Donc chaque mot d'adoration qu'on adresse à Dieu, parce que la Bible déclare clairement que ceux-ci se prosternent à cause d'une adoration qui est donnée, à cause d'une appréciation qui est donnée. Alors, chaque fois qu'on dit Saint, Saint, Saint, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui vient, celui-là comme ça. Quand se lève, Saint, Saint, Saint, l'Éternel, celui qui est. Saint, Saint, Saint, l'Éternel. Si vous êtes fatigué, ne vous inquiétez pas. Nous des deux endroits, vous allez soit fatigué à l'enfer, soit fatigué au paradis. Parce que là-bas, on est fait de crier jour et nuit. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est à l'enfer. Jour et nuit par là-bas, c'est le loin de l'adoration. Saint, Saint, Saint, on a eu Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, le Seigneur, il est bien, le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, on est Seigneur, le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint. Alléluia. Avançons ici, frère. Chapitre 5. Le chapitre 5, notre Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, est révélé ici comme celui qui est digne d'ouvrir le sceau et prend le livre d'ouvrir le sceau et d'en rompre. lorsqu'il va prendre le livre, nous sommes au chapitre 5, le verset 7 dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Souliers. Tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de Saint. Vous avez vu? Donc c'est eux qui ont notre prière, c'est eux qui nous présentent devant le Seigneur. Des coupes d'or remplies de parfums qui sont, ces parfums sont des prières des saints. Donc tous les saints qui arrêtent de prier sur la terre, c'est entre les mains que ça parle. Donc pour ça, vous avez dit c'est ici comme ça. Voilà ce qui est fait votre Bible. Si vous voulez maintenant le déchirer. Donc, la Bible déclare quand elle a pris le livre, Jésus a pris le livre, bam, directement sur son prosterné. Frère, nous sommes au ciel là maintenant. Nous sommes au ciel. Alors si ceux du ciel qui sont devant sa présence, qui n'ont point d'iniquité, qui vivent dans sa présence continuelle, se mettent à genoux pour la baisser la parole. Nous on est sur la terre. Seigneur, tu vas me bénir, tu vas seul que me bénir. Tu ne me bénis pas, je ne lis plus la Bible. Il recommence encore la question. Connaissons-nous celui qui est de l'autre côté du voile que nous croyons servir? Chapitre 5 toujours. Verset 13 et suivant. Et toutes les créatures, écoutez bien, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les 24 et les vieillards se prosternaient et pour eux, ils ne vont pas très loin. Quand je dis quelque chose de l'adoration, ils se prosternent seulement. Leur réflexe, c'est quoi? C'est prosterner et adorer. Quand ils entendent Amen quelque part, ils mettent le genou au sol. Tu dis quelque chose, gloire, louange, Christ, c'est qui? C'est notre Seigneur. Amen. Donc si un messager sort du ciel, du latin, il entre devant le Seigneur. Il dit, gloire, Seigneur, ton nom est révélé sur la terre. On entend Amen dans le ciel, il se prosterne seulement. Voir. Le réflexe pour eux, c'est prosterner. Donc votre genou doit changer d'attitude. Votre genou doit changer d'attitude. Vous regardez les musulmans. Pour montrer leurs signes et leurs soumissions à Dieu, regardez la tache sur leur visage. Ceux qui prient beaucoup, la prosternation. Vous remarquez, les musulmans ont les taches sur leur visage ici, parce qu'ils ne peuvent mettre tout du temps devant la terre. S'ils faisaient comme ça, étant chrétiens, le bulldozer Saint-Esprit marchait chez les musulmans. Le bulldozer, c'est parce qu'ils font comme ça, c'est dans le faux, c'est attaquer qui prie. Pas vrai, pas Dieu. S'ils faisaient comme ça et que c'était vrai, c'est-à-dire, ce qui est curieux, c'est que ceux qui font ce qui est vrai sont dans le faux. Ceux qui sont dans le vrai font ce qui n'est pas vrai. N'est-ce pas bizarre, frère? Ils sont rigoureux dans la prière, 5 fois par jour. Et ils prient comme ça pour rien. Toi, pour prier, ça te dérange. Et tu pries pour ton propre compte, jusqu'à ça te nuit. Et tu as le vrai Dieu, il a le faux Dieu. Il fait le commandement de son faux Dieu 5 fois par jour, il prie. Tu as dit que c'est le commandement que prier son Seigneur, on refuse. Donc la Bible dit quoi, verset 24, et quand et les versets 4, 14, 6, verset 14 du chapitre 5, et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alors chapitre 16, chapitre 11, pardon. On y va. J'ai beau seulement quelque part comme ça. Je vais dire verset 15 et 16, regardez. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24, quand ils entendent 24, quand les 24 viennent entendre siècle, siècle, ils savent que c'est la procession. Ils adorent seulement. Est-ce qu'ils sont là pour blaguer? Et les 24 vieillards qui tenaient, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu. C'est ça, frère. Nous parlons du principe de la restauration de nos vies de prière. Ce principe-ci, c'est le socle de toutes les autres choses. Ce principe-ci, c'est le socle de toutes les autres choses. De lui, est lié maintenant toutes les autres conséquences. Le manque de pardon, le manque d'amour, le péché. Tu sais que tu pêches une balle de conseil devant lui pour le craindre. Tu sais. Est-ce que vous comprenez? Alors, sur notre cœur, ça va toi? Ça va? Je ne veux pas ça, d'accord? Voilà. Le manque de sérieux, le manque de sérieux avec lui est indiqué par nos genoux. Si tu n'es pas sérieux avec lui, tu vas te mettre à genoux, tu vas rester là sans rien dire. Tu vas rester là sans rien dire, tu vas faire chupiter. Oh frère, mais au combien, lorsque vous pensez devant le Seigneur, vous restez seulement là dans le silence et que votre cœur ne le parle. C'est merveilleux comme connexion. Chapitre 19. Je lis là-bas rapidement, on quitte. On y va, frère. Je vais lire verset 1, je vais m'adresser au verset 4, d'accord? Donc, nous sommes au chapitre 19, verset 1 à verset 4. Arrête là. J'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Voyons le réflexe. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, ouais, mais voilà. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas seulement les Alléluia là. Quand tu dis Alléluia, ça l'énerve. Donc quand tu dis quelque chose, tu dis Amen, ça nous dérange. Qu'est-ce qu'il y avait Amen, Amen? Ils ne connaissent pas que c'est quelque chose qui est dit au ciel. C'est du ciel que c'est venu. On dit que c'est pas même, c'est à cause de Jésus que le Amen est dit dans les églises. À cause de Jésus. Parce qu'en réalité, Amen, c'est l'un de ses noms. Vous savez ça, hein? Amen, c'est le nom de Jésus. La prosternation comme signe de soumission et de crainte du Seigneur. Notre capacité à nous rabaisser devant le Seigneur. La plus grande, c'est la prosternation. Il n'y a pas de but. La plus grande, c'est la prosternation. Remarquez que tous les personnages de la Bible qu'on a vus se sont prosternés en tous les lieux. En privé, sur les rires. Et remarquez bien que cette prosternation va de pair avec l'attitude du cœur. On ne se prosterne pas pour se faire voir. On se prosterne à cause de celui qui est de l'autre côté. Parce que sa grandeur, sa majesté nous l'impose. Tout comme tout à l'heure, lorsque nous parlions du président. Les attributs qu'il porte nous imposent un certain comportement vis-à-vis de lui. C'est automatique, pas vrai? Et nous parlons de Dieu Tout-Puissant ici, frère. Dieu Tout-Puissant. C'était ça, frère. Vous comprenez? Donc, le problème des chrétiens a été dès le départ parce qu'on ne leur a pas enseigné la crainte de celui qui est devant. Alors, l'approche vers lui n'a pas été correcte. Le problème des chrétiens, c'est ça. Le problème des chrétiens a été dès le départ du fait que l'on ne veut pas conduire à craindre la personne qui est derrière le voile. C'est-à-dire que le Seigneur du visible et de l'invisible. Celui qui règne dans les cieux sur la terre. Qui tient toutes choses sous sa parole. Par sa parole. Elle est maintenant assujettie par la puissance qu'il a assujettie toutes choses. On n'a pas conduit les êtres qui sont censés l'adorer de la bonne façon dans l'adoration. Parce que c'est en fait ça. Alors vous voyez donc le verset le plus simple de la Bible. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça les vrais adorateurs que le Père cherche. On vient au ciel, on voit comment les gens sont en train d'adorer. Est-ce qu'ils adorent de façon charnelle? Il dit Apocalypse, c'est au ciel que ça se passe. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné avec Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que nous a adoré? Est-ce que nous adorons donc Dieu en esprit et en vérité? Parce qu'on a réduit adoration au niveau du slow chrétien. L'adoration qu'on a enseigné aux chrétiens, ça veut dire que c'est quand la musique est douce. C'est. Adore ton Dieu, bien-aimé. C'est pas ça. c'est pas ça l'adoration. L'adoration d'abord, c'est la soumission de notre cœur sous la majesté de Dieu. C'est ça d'abord l'adoration. L'adoration d'abord, au sens biblique, c'est la soumission de notre cœur sous la majesté de Dieu. Dans ces Genèse chapitre 47 qu'on a lu aujourd'hui, verset 31, on dit quand il a dit à Joseph, Joseph a dit, je le jure, il s'est tourné, il s'est prosterné. Pas vrai? La Bible déclare dans l'huile d'Hébreu qu'il a adoré. Vous avez entendu un mot qu'il a dit? Donc il a lavé le cœur. L'adoration au sens biblique d'abord. Il dit au sens biblique, je ne parle pas de... L'adoration, ce n'est pas le chant. Parce que l'une des choses qu'on a dit, c'est l'adoration, c'est rappeler ce qu'il est. N'est-ce pas? Ah, c'est pas ça, ou bien c'est pas ce qu'on a enseigné. Que louange, ça, dis-nous frère, comment vous enseignez ça là-bas dans l'autre? L'adoration, c'est de rappeler à Dieu ce qu'il est. Oui. J'avais dit par les versets bibliques. Oui. Tu es grand, tu es qui, tu es. Donc on a dit l'adorer. Maintenant, la louange, c'est de rappeler ses faits. C'est de reconnaître ses bienfaits. Alors, pas étonnant que tu aimes, on se peut se passer devant le micro, que tu es grand, tu es élevé, tu es souverain, tu es digne de l'univers. Il est en train de réciter sans l'adorer. Il est en train de réciter sans l'adorer. Parce que la parole que nous avons lue dit clairement que. Il s'est, remarquez encore, prenez le dernier verset qu'on a vu, c'est quoi? Chapitre 19. C'est ça, n'est-ce pas? Chapitre 19. Hein? Je me suis arrêté à quelque part. C'est ça, n'est-ce pas? Je me suis arrêté à Alléluia, Amen. C'est ça? Continue le verset qui est en bas. Il faut aller chercher le verset. Et une voix sortit du trône disant: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Oui. Rendons au verset 4 encore. Suivez attentivement. Et les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent et adorèrent. Oui. Dieu assis sur le trône en disant: stop. Amen. Remarquez bien la façon que le Saint-Esprit le dit. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui étaient sur le trône se prosternèrent. Donc ils quittaient le trône, se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant. Ils ont adoré en disant quoi? Amen. Alléluia. Ça répète ce qu'il est? Non. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc en disant Amen, Alléluia, la Bible déclare qu'ils ont adoré. Pasteur, bonsoir. Dans le message qui est donné à la Bonne Nouvelle, j'ai parlé ici, dans le bon berger. J'ai dit que, en lisant Jean 10, j'avais dit que, comment quelqu'un peut-il conduire les brebis vers le vrai pâturage s'il ne connaît pas notre pâturage, c'est trop. Quand il parlait du bon berger. Donc il est évident que pour que quelqu'un conduise vers le berger, vers la porte, il faut que lui connaisse cette porte-là. S'il ne connaît pas cette porte lui-même personnellement, il va amener les gens à la perdition. C'est ce qu'il dit là-bas. C'est exactement de ça qu'il dit, on voulait parler. Donc si tu ne connais pas le vrai Dieu que tu es censé servir, tu ne peux pas savoir comment le servir. Et définitivement, si tu ne connais pas comment le servir, tu as envie de conduire les gens vers les mêmes erreurs que tu as envie de faire. La fausse adoration. C'est ce qu'il dit, qu'il veut parler des désillusions, n'est-ce pas? Des désillusions de la fin du jugement. La fausse adoration. Donc, la Bible déclare qu'il se prosternait et l'adorait en disant. On remarque que chaque fois que les 24 vieillards parlent, ils ouvrent la bouche pour dire quelque chose. On dit qu'ils sont en train d'adorer. Ils sont en train d'adorer. Donc, la première attitude de l'adoration, c'est la soumission du cœur à la majesté divine. C'est la première des choses. Quand le cœur est d'abord soumis à la majesté divine, c'est-à-dire pourquoi la soumission à la majesté divine, reconnaître ses grandeurs, reconnaître notre petitesse et notre besoin ultime de lui, de dépendre de lui. Et reconnaître notre besoin ultime de dépendre de lui. C'est-à-dire que sans lui je ne suis. Alors ben, définitivement, si tu connais ça directement, tu es au sol. Si tu connais ça directement, tu es au sol. Parce que tu vas savoir que chacune des choses qui te fait, c'est une grâce. Chacune des choses qui te fait, ça montre effectivement ta toute puissance, ta toute autorité dans ta vie. Le simple fait qu'on te bloque le nez, que tu fais Dieu, n'est pas resté comme si tu restais devant vous. Parce que tu sens que la respiration est chère. Que tu fasses Dieu, je m'attends très bien quand vous gênez ici là. Quand vous gênez comme ça, 18h, j'ai déjà dit vous avez 21h. C'est le type qui est sur le cœur. Parce qu'il faut qu'il boive un peu d'eau. Pas vrai? L'eau de Dieu. L'eau de Dieu. L'air de Dieu. La pluie de Dieu. Ses herbes. Ses fruits. Si la mangue est sur ce. La mangue est bonne. La mangue ne sait pas crier. L'apôtre Paul disant aux Corinthiens et aux Éphésiens et aux Athéniens, il dit que bien qu'ils ne soient pas loin de vous, il doit témoigner ces choses-là en vous donnant les dispensations de ces prières, de prendre grâce. Pas vrai? Donc, Seigneur, l'adoration première, c'est l'attitude de notre cœur sous sa majesté. Reconnaître sa grandeur et notre petitesse. Sa souveraineté et notre insignifiance. Qui sommes-nous? La Bible déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes tant de cas pour lui? Il n'est qu'un souffle, l'homme debout n'est qu'un souffle. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'homme que Dieu a mis dans l'homme? Après la révélation de l'Écriture, c'est parce qu'il a mis quelque chose en nous, son esprit en nous. Il chérit cela avec jalousie. Notre esprit, la façon qu'il a conçu notre esprit est différente des autres esprits. C'est ça qui fait qu'il a une particularité avec nous. Une relation, une commune. C'est vrai, frère? Donc, non, pas encore. Donc, lorsque nous sommes en train d'avancer désormais devant le Seigneur, les portes doivent devoir se couler. Les portes qui bloquaient. Donc, peut-être que tu n'entendais pas la voix de Dieu, tu n'as pas accès à la prière. On priait, on croyait que Dieu était loin, tout simplement à cause de ces choses-ci. Parce que pendant que les anges sont au ciel, avec les prières que tu es censé lui donner, prostérer pour donner, toi tu es debout avec la main dans la poche. Pour montrer que tu tiens toujours debout, que sans lui, que même s'il ne fait pas, tu as des responsabilités parce qu'on est en veste bien frais. Attends que la veste se déchire, tu vas confirmer. Attends qu'il bloque, il ferme la porte, tu vas confirmer. C'est ça, frère. On se comprend juste là. Alors, l'adoration proprement dite, il y a la prosternation intérieure, il y a la prosternation extérieure. La prosternation intérieure, c'est incliner notre cœur sous sa domination. L'inclinaison intérieure, c'est soumettre notre cœur sous sa parole. L'inclinaison intérieure, c'est me remettre seulement sous ses commandements. L'inclinaison intérieure, c'est se soumettre seulement et seulement sous ses principes. L'inclinaison intérieure, c'est mettre ses pensées de côté et mettre Dieu premièrement. L'inclinaison intérieure, c'est savoir que sans lui, je ne peux pas exister. Et dans ces cas, je lui dois toutes choses. Il ne me doit absolument rien. C'est ça? L'inclinaison intérieure, c'est je suis un homme, il est Dieu. Si Dieu me fait disparaître, il me fera disparaître. Alors, je dois m'approcher de lui de la bonne façon. Comment montrer donc que c'est comme ça à l'intérieur? Je me rabaisse comme ça parce que c'est physiquement qu'il peut faire. Voilà pourquoi il a fait l'articulation du genou. D'accord, papa Joseph? Souvenez-vous d'ici. Souvenez-vous d'ici. Dieu a fait les genoux pour l'adorer. Voilà le rôle du genou. C'est uniquement pour ça qu'il a fait. Dieu a fait le genou pour se prosterner devant lui. C'est son rôle. Quelqu'un peut-il me citer le commandement de Genèse, de Exode chapitre 20, le verset 4 et 5? Qu'est-ce qui est dit là? Qu'est-ce qui est dit dans Exode chapitre 20, le verset 4 et 5? Maintenant, tu n'es pas en tête. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Stop, bon, d'abord, soulignez ça. Donc, devant ceux-là, tu ne vas pas te prosterner. Et c'est ce que les gens s'en avaient fait. Les êtres humains peuvent se mettre à genoux devant une personne pour recevoir quelque chose, mais devant Dieu, ils ne peuvent pas se mettre à genoux. Donc Dieu dit, dans ses commandements-ci, il a dit que tes genoux n'ont pas été faits pour adorer une autre personne en dehors de lui. Ça doit se prosterner, il commande devant lui. D'accord, frère. Où est-ce que c'est? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Merveilleux, Seigneur.